Les autres qui allaient conduire à l'engagement par le PQ de tenir un référendum dans le cours d'un premier mandat, ce qui faisait bien l'affaire des fédéralistes qui, pour leur part, cherchaient à éviter que l'option indépendantiste ne prenne de l'élan au cours d'un mandat du PQ. Lorsque le PQ remporta la victoire en 1994 et alors que l'intention initiale de Jacques Parizeau était de tenir un référendum en fin de mandat, je le supporte bien parce que quand il m'a fait venir à Waterloo pour m'annoncer que je serais ministre, Waterloo, c'était là où il avait son chalet d'été dans les cantons de l'Est, il m'avait dit carrément, il a commencé par me surprendre en me nommant à ce poste-là, alors qu'initialement, dans nos contacts, il avait été question d'un tout autre mandat, davantage orienté sur les activités professionnelles que j'avais eues. Et il m'avait dit, Monsieur Lehir, si dans deux ans, trois ans, lorsqu'on tiendra le référendum, tous les cabinets de consultants de Montréal ne sont pas impliqués dans vos recherches, je considérerai que vous avez failli à la tâche. Bien, il parlait de trois ans à ce moment-là. Quelques mois plus tard, même pas quelques, deux mois plus tard, OK, une combinaison de facteurs externes et internes précipita l'échéancier et le référendum eut lieu dès 1995. L'état des finances publiques était moins bon que prévu, l'économie nord-américaine montrait des signes de faiblesse et à peine élu, Parizeau voyait déjà son leadership fortement contesté par Lucien Bouchard. Ça, il faut comprendre ça, c'est majeur. Alors, plusieurs de mes collègues au Conseil des ministres étaient inquiets de la détérioration de la situation économique. Ils se revoyaient dans la situation de 1980, quand le PQ avait été obligé de faire des coupures budgétaires importantes et qu'il avait perdu, ou en 85 plutôt, qu'il avait perdu de ce fait un support important auprès des milieux syndicaux, par exemple. Et ils voyaient surtout que plus on se rapprocherait du référendum, moins les conditions économiques seraient favorables à la tenue d'un référendum, que les Québécois seraient découragés et que ce n'était certainement pas propice à créer les conditions d'une victoire. Et il faut rajouter aussi que la stratégie référendaire de Parizeau était désastreuse. Et je n'ai jamais dit ça publiquement. OK, mais je vous le dis aujourd'hui, là. Et nommé ministre délégué à la restructuration avec la responsabilité de produire les études référendaires, j'allais personnellement en faire les frais. Ne voyant pas en quoi il pouvait être problématique pour un gouvernement du PQ d'utiliser les fonds publics pour faire la promotion de son option avant que la population n'ait eu l'occasion de se prononcer dans un sens ou dans l'autre, Parizeau n'avait pas mesuré à quel point son gouvernement et son ministre allaient devenir des cibles parfaites pour le camp fédéraliste. Si vous avez un peu le souvenir de la campagne référendaire de 1995, vous vous souvenez exactement de l'allure qu'avait pris tout l'exercice de la publication des études. C'était à chaque fois, c'est comme si on m'avait pendu sur la place, là, puis on avait laissé les journalistes me tirer dessus. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourtant, à Parizeau, l'histoire aurait pu lui servir de guide. En matière de gestion des relations fédérales-provinciales, l'ancien premier ministre Maurice Duplessis fait figure de maître. Rusé et acquis sans réserve aux intérêts du Québec, il voyait son rôle comme d'arracher ce qu'il appelait « notre butin » à Ottawa, ou du moins de préserver nos acquis à l'abri de ses empiètements. Son bilan à Duplessis, à cet égard, est extraordinaire, ne serait-ce qu'à cause du brio avec lequel il est parvenu à arracher à Ottawa le pouvoir pour le Québec de lever ses propres impôts pour financer les activités relevant de sa compétence. En 1953, alors qu'il venait de se faire élire avec un mandat qui était faible et qu'il était relativement contesté, prenant acte de ses différends avec le gouvernement fédéral, il forme une commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels dont il confie la présidence au juge Thomas Tremblay dans le but d'étudier le propre... Écoutez bien ça, et je cite, « Le but de la Commission, c'est d'étudier le problème des relations fédérales-provinciales au Canada du point de vue fiscal dans le cadre de la lutte menée par le Québec contre la politique centralisatrice d'après-guerre du gouvernement fédéral. » C'est fort le café, ça. Au terme d'un mandat de trois ans, Les commissaires dirigés par le juge Tremblay, qui était le juge en chef des sessions de la Cour des sessions de la paix, qui était le nom qu'on donnait autrefois à ce qui s'appelle aujourd'hui la Cour du Québec, là. Alors bon, avec des aménagements dont je vous fais grâce. Le juge Tremblay était bien entouré. Donc, au terme d'un mandat de 3 ans, les commissaires dirigés par le juge Tremblay remettront un rapport en 4 tomes qui inspirera les politiques du gouvernement du Québec pendant la Révolution tranquille. Autrement dit, toutes les mesures mises en place par les libéraux pendant les années de 1960 à 1970 trouvent leur origine dans le rapport de la Commission Tremblay. Mais Duplessis n'attendra pas le rapport de la Commission pour agir. En 1954, il prend prétexte de certaines observations préliminaires qu'on lui transmet pour adopter la loi de l'impôt sur le revenu. Après une série de tractations avec le gouvernement fédéral, fortement opposé à cette initiative, Duplessis, armé de solides moyens de pression sur son vis-à-vis, arrache son consentement au premier ministre libéral de l'époque, Louis Saint-Laurent. En fait, la réunion a lieu en janvier 1955 à Montréal, dans un grand hôtel de Montréal. Et là, Duplessis a littéralement mis le pistolet sur la tempe de Louis Saint-Laurent. Les détails sont connus. Il y a encore des gens qui sont témoins de cet événement-là. René Lévesque, à ce moment-là, était journaliste à Radio-Canada et il avait été celui à qui les deux premiers ministres avaient annoncé la nouvelle de leur entente. OK? Et tout le monde se demandait qu'est-ce qui s'était passé. Le fait est que Louis Saint-Laurent s'était effondré. Et Duplessis n'était pas allé de main morte. Il avait menacé de rendre publiques des informations qui touchait directement sa famille et qui la compromettait. Hein? Ouh! Mais ça, c'est des choses que l'histoire ne retient pas. C'est des choses qu'on découvre dans la petite histoire. OK? Grâce aux ajustements qui... Je vous cite une des conclusions. Grâce aux ajustements qui prévoient une réduction de l'impôt fédéral, le gouvernement québécois pourra reprendre une partie de son autonomie fiscale, sans que les contribuables québécois ne soient pénalisés par rapport à leurs compatriotes des autres provinces. Autrement dit, le gouvernement fédéral a libéré de l'espace fiscal pour permettre aux Québécois de se financer. Duplessis était très conscient de l'importance de se doter d'un rapport de force favorable avant d'agir, et il savait placer ses pions en conséquence. Et si l'on regarde la manière avec laquelle l'ancien premier ministre Bourassa s'est servi de la commission Bélanger-Campeau et la loi 150 pour tenter d'amener le ROC, Rest of Canada, à consentir au Québec un statut particulier après le rejet de l'accord du Lac-Meech, force est de constater la faiblesse stratégique du dispositif mis en place par Jacques Parizeau en 1994, à moins d'accepter qu'il était si convaincu d'emporter le référendum qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'en avoir. Écoutez, j'étais là, j'étais aux premières loges, et je vous avoue que dès les premières semaines de mon mandat, je suis retourné voir M. Parizeau en lui disant « On a des problèmes, là. Comment est-ce qu'on va être capable de vendre cette salade-là? » OK? On est vulnérable. On s'est placé dans une position de très grande vulnérabilité stratégique. Alors, l'autre erreur stratégique, et celle-là est commune à un grand nombre d'indépendantistes, est de croire qu'une démarche d'indépendance commence par un référendum. En fait, c'est tout le contraire. Un référendum sert essentiellement à faire reconnaître un état de fait par une population pour qu'ensuite cet état de fait soit formalisé dans un texte juridique quelconque, un règlement, une loi, un statut, une reconnaissance officielle ou une constitution. Un état de fait? Quel état de fait? S'agissant de la souveraineté d'un état, que l'aspirant au statut d'état dispose d'un territoire, d'une population animée d'un vouloir vivre collectif, d'une identité et des attributs de l'identité que sont la langue et la culture, d'un gouvernement démocratiquement élu, d'un Parlement qui adopte des lois, de la capacité de les faire respecter, de la capacité de protéger son territoire et d'assurer la sécurité et le bien-être de sa population, de prélever des impôts à cette fin. Toutes ces choses-là sont les attributs d'un État. Et quand on examine cette liste, on est bien obligé de constater que le Québec possède déjà la grande majorité des attributs d'un État souverain, ce qui, par exemple, quand on regarde le cas de la Catalogne aujourd'hui, et j'ai vécu à Barcelone, donc je peux vous en parler avec une certaine autorité, j'ai bien vu comment, dès les années 60, fin des années 60, déjà ce mouvement qui aujourd'hui là, semble prêt à déboucher, commençait déjà à s'animer. Okay? Alors, quand on examine cette liste, on est bien obligé de constater que le Québec possède déjà la grande majorité des attributs d'un État souverain, ce qui n'est pas le cas de la Catalogne, par exemple. La Constitution de 1867, reprise en cela par la Constitution de 1982, établit la souveraineté du Québec sur les domaines prévus par l'article 92, alors que la Catalogne exerce des pouvoirs délégués par le gouvernement espagnol, ce qui rend d'autant plus difficile à son accession à la souveraineté. La Catalogne n'a aucun statut autonome, alors que le Québec en a un. La Catalogne a un problème existentiel. Le Québec a un problème de suffisance d'autonomie. Lorsque le Québec acquérera toute son autonomie, il deviendra de facto indépendant et pourra alors prétendre à faire reconnaître sa souveraineté par la communauté internationale. Nous l'avons vu plus haut, la Commission Tremblay, établie par Duplessis, a inspiré les grandes réformes de la Révolution tranquille pendant les années 1960. Il ne faut guère s'en surprendre. Duplessis avait su gagner des appuis à sa cause dans les milieux nationalistes de Montréal, regroupés aux hautes études commerciales. Par exemple, Esdras Mainville, le directeur de l'école, François-Albert Anger, un des grands professeurs, ont été les professeurs de Jacques Parizeau. Il y avait également des gens au département d'histoire de l'Université de Montréal, à la revue L'Action nationale, au journal Le Devoir. Et oui, à cette époque-là, Le Devoir avait une colonne vertébrale, comme un de mes électeurs m'a déjà dit. Et même à la Chambre de commerce de Montréal, qui, à l'époque, étaient souvent hostiles, tous ces gens-là étaient souvent hostiles au gouvernement de l'Union nationale. Mais Duplessis avait su les amadouer. Il n'est bien sûr plus possible de pouvoir compter sur tous les mêmes acteurs pour reprendre une démarche comme celle-là aujourd'hui. Certains ont changé de camp et d'autres n'ont plus la même influence. Mais il serait possible à un prochain gouvernement du Parti québécois, s'il parvenait à se faire élire, de relancer dans un premier mandat une démarche de type Commission Tremblay, en allant chercher les compétences acquises aux intérêts supérieurs du Québec, là où elles se trouvent, afin d'identifier comme en 1953 les problèmes constitutionnels du Québec et les solutions qu'il convient d'y apporter. Vous comprendrez qu'une démarche comme celle-là est neutre. Elle n'a pas la même apparence de partisanerie que celle de nommer quelqu'un comme moi ministre délégué à l'intérieur du gouvernement et de dépenser de l'argent des contribuables sans l'autorisation de ceux-ci. Quand on fait une étude, une commission d'enquête, c'est normal que ça coûte quelque chose. Et puis, c'est la commission d'enquête qui prend la responsabilité de définir le cadre du mandat et qui, de voir qui peut contribuer à alimenter le travail de réflexion de la commission. Ça ne pose aucun problème. Et ça a l'avantage d'enlever toute partisanerie à l'exercice. Et rien n'empêcherait un gouvernement du Parti québécois, s'il parvenait à se faire élire, de s'inspirer des méthodes de Maurice Duplessis dans un premier mandat pour réclamer notre butin et assumer lui-même les compétences dont le fédéral ne s'acquitte pas ou s'acquitte mal au détriment du Québec et des Québécois. Un exemple, la surveillance et la sécurité du transport ferroviaire. Hein? Moi, je ne pense pas que si les Québécois se faisaient dire par le gouvernement du Québec, écoutez, le fédéral ne fait pas bien sa job, je pense qu'on a besoin de s'assurer pour la sécurité du transport du réseau ferroviaire, qu'on intervienne et puis qu'on nomme nos propres inspecteurs. Hein? C'est des choses qui seraient tout à fait faisables et acceptables, et ça serait même conçu comme un exercice, une façon pour le Québec d'exercer ses responsabilités à l'endroit de la sécurité publique. Une responsabilité dont le gouvernement fédéral a démontré qu'il s'acquitte mal. Et puis, un gouvernement du Québec, comme ça, du PQ, pourrait dénoncer les dépenses faites par le gouvernement fédéral qui ne profitent aucunement aux Québécois, un exercice qui se révélerait très pédagogique dans l'optique d'un éventuel référendum. Parmi toutes les postes que j'ai occupés tout à l'heure, la liste de notre ami Bouliane était incomplète. J'ai été également président de la Fédération maritime du Canada, c'est-à-dire de tous les armateurs étrangers qui font affaire au Canada. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amené à voyager à travers le Canada et voir tous les endroits où le gouvernement fédéral assumait des services qui ne profitent d'aucune façon au Québec et qui même parfois vont à l'encontre des intérêts du Québec. Hein? Dans le domaine des pêches et océans, par exemple. Okay? Donc, toutes ces choses-là là, ne sont pas mises en relief. On a fait des études, puis on a parlé de chevauchement et de dédoublement. Quant à moi, sur le plan pédagogique, c'est zéro. Ça, c'était l'exercice qui avait été fait par le gouvernement libéral avant même la commission Bélanger-Campeau. Et lorsqu'on est, je suis arrivé en 1994 au gouvernement, j'ai demandé à voir ces études-là. Oh! Ça a été compliqué, vous ne savez pas comment. Puis, on a découvert que la plupart des cas, c'était des affaires plus squelettiques, schématiques. Et sans grand. Pourtant, vous vous souvenez, Bourassa, lui, en avait fait grand cas. Ah, oh, le gouvernement a identifié les domaines de chevauchement. Bon, de la frime. Bourassa était habile dans la façon de chercher à développer un rapport de force avec le reste du Canada, comme il l'a fait avec la commission Bélanger-Campeau. Alors, on le voit donc, le Québec n'est pas nécessairement condamné à subir pour peu qu'il se prenne en main. Il faut cependant qu'il s'extirpe du terrain mou des valeurs pour se recentrer sur le solide, l'économie, la santé, l'éducation, le développement régional, l'environnement, l'énergie, les transports, les richesses naturelles, dont une à laquelle moi je suis particulièrement attaché, l'eau. Hein? Si vous allez sur le site de Vigile, vous allez voir le dernier texte là, où je parle du plan vert de Jean-François Lisée et je conclue en indiquant tout ce que représente la valeur pour nous de l'or, de ce que j'appelle l'or bleu. OK? On a un potentiel là, énorme. D'ailleurs, un potentiel très convoité et convoité en secret par des grands groupes internationaux qui, déjà, ont essayé de se positionner. OK? Pour tous les descendants de défricheurs et de bâtisseurs que nous sommes, il n'existe nulle part au monde un plus beau chantier que le Québec. J'aimerais maintenant consacrer la dernière partie de mon exposé à ce qui constitue à mes yeux le seul développement constitutionnel vraiment positif des 50 dernières années. Il s'agit de la loi 99 de 2001 sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Pour vous la situer, je vous rappelle qu'elle fut adoptée par l'Assemblée nationale en réaction à l'adoption de la loi fédérale sur la clarté, qui donnait suite à la décision de la Cour suprême dans l'affaire du renvoi sur la sécession du Québec. Alors ça, on est en 1997, hein? 98, quand la décision est rendue. Dans l'année qui a précédé, Guy Bertrand, lui, avait pris la défense de la position adverse. Il voulait condamner. Il avait même obtenu le financement dans les milieux anglophones de Montréal pour faire déclarer par la Cour suprême la sécession illégale. À cette époque-là, il m'avait communiqué avec moi, il m'avait demandé ce que j'en pensais. Moi, j'étais en train, à ce moment-là, déjà d'écrire mon livre sur la légitimité, la prochaine étape, le défi de la légitimité. Et ayant lu très attentivement la décision de la Cour suprême de 1982, au moment du rapatriement de la Constitution, j'avais bien pris note que les juges de la Cour suprême avaient souligné l'importance de la légitimité dans une démarche comme celle du rapatriement. Et c'est là que Trudeau, très cavalièrement, avait renvoyé la Cour suprême en disant « Écoutez, la légitimité, on s'en fout, c'est légal. » OK? Et donc, quand Guy Bertrand communiquait avec moi en 97, à ce moment-là, j'étais déjà devenu un député indépendant, il me demande si je serais intéressé à travailler sur ce dossier-là. J'ai dit « Écoutez, moi, pour moi, la question n'en est pas une de légalité. Elle en est une de légitimité. La Cour suprême, en 82, nous a déjà mis sur cette piste-là. » Et effectivement, lorsque vous regardez la décision de 1998, quand la Cour suprême rend sa décision, un an après l'apparition de mon livre, elle conclut exactement ce que j'avais écrit dans mon livre, en disant « La légitimité, c'est important et il faut trouver le moyen de l'accommoder. » Et à un moment donné, il y a des conditions de, comment ils ont fait, une distinction assez incroyable entre le droit interne et le droit externe. Et ils ont conclu que, à cet égard, le rapatriement, il posait problème. Et que donc, le Québec, en toute légitimité, pouvait être fondé à chercher à se séparer du Canada. C'était gros, ça. Et pourtant, c'est une décision qui a été très, très mal comprise à l'époque. Les gens sont partis dans toutes les directions avec ça. Évidemment, tout le monde avait des intérêts différents. Hein? Vous comprendrez que le gouvernement fédéral n'était pas du tout content de se faire taper sur les doigts. Ça créait un problème à Chrétien. Et puis, ça ouvrait une brèche qu'il fallait absolument boucher très rapidement. C'est ce qui avait amené Dion à développer sa loi sur la clarté. Okay? Du côté du Québec, c'était Lucien Bouchard qui était en poste. Et puis, pour des raisons que je ne me suis jamais expliquées, il n'a pas su non plus exploiter avantageusement tout le bénéfice que lui donnait cette décision-là sur le plan politique. Et il s'est contenté de faire adopter la loi 99 dont on vient de parler. Alors, ce texte de loi consacre l'existence... Écoutez, ça, c'est fort. Hein? C'est très fort. Parce que, dans le fond, c'est le premier texte qui établit l'existence d'un État au Québec. Okay? Ce texte de loi consacre l'existence de l'État du Québec et c'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral tente actuellement de le faire invalider devant les tribunaux. Vous vous rendez compte là, qu'on est 17 ans plus tard, là? Hein, c'est un texte de 2000 ans. Et le gouvernement fédéral a attendu 16 ans, ou 14, parce que la contestation a commencé en 2013 ou 2014. Il a attendu tout ce temps-là avant de contester la décision. Il s'est rendu compte de la gravité de son erreur de ne pas l'avoir fait immédiatement lorsque, en 2014, c'était en octobre 2013, la première ministre Marois, lorsque on a appris que le gouvernement fédéral contestait la loi 99, avait fait adopter une motion par l'Assemblée nationale. Alors, oui, il faut rappeler les circonstances. Cette motion-là, elle a été adoptée à la majorité. La première fois, en 2001, lorsque la loi a été adoptée, elle a été adoptée sur division. Seuls les membres du Parti québécois, les députés du Parti québécois, avaient voté en sa faveur. Comme le Parti québécois disposait alors d'une majorité, la loi avait été adoptée. Okay? Mais elle ne bénéficiait pas d'une légitimité totale dans la mesure où elle ne représentait pas la vision unanime des députés du Québec. de tous les députés de tous les partis du Québec. Hein? Or, en 2013, figurez-vous que Pauline Marois parvient à faire adopter cette motion-là sans débat, à l'unanimité des 114 députés alors présents à l'Assemblée nationale. C'est un tour de force. Okay? Et cette loi acquiert, de ce fait, une légitimité totale. Okay? Donc, elle est encore plus forte après l'adoption de la motion qu'elle ne l'était en 2001. Alors, ce texte de loi consacre l'existence de l'État du Québec. C'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral tente actuellement de la faire invalider devant les tribunaux. Ce texte est si important, que tout citoyen du Québec devrait le connaître par cœur. C'est un texte qui est court, 13 articles. Et tout citoyen du Québec devrait le connaître par cœur et s'endormir chaque soir avec une copie sous son oreiller. Bon, j'exagère un peu, mais à peine. Comme il ne comporte que 13 articles précédés de quelques considérants, je vais vous le lire. Vous allez être surpris de découvrir qu'il y a deux souverainetés au Québec, celle du peuple et celle de l'État, et que le peuple a déjà été proclamé souverain. C'est quand même fort de café, hein? Vous ne le saviez même pas. Au moment de l'adoption de la loi. OK? Pensez-y, là. Ben oui, vous vous rendez compte, là? On vit dans un système monarchique. La reine et la souveraine. Okay? Et d'un seul coup, le gouvernement d'une province adopte une loi qui déclare que le peuple est souverain. Oh! C'est passé inaperçu, ça. Personne n'en a parlé. OK? Alors, voici le texte de la loi. Ça commence par un certain nombre de considérants. C'est l'usage dans ce genre de texte. Et je vais vous les lire. Considérant que le peuple québécois, majoritairement de langue française, possède des caractéristiques propres et témoigne d'une continuité historique enracinée dans son territoire sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État national moderne doté d'un gouvernement, d'une Assemblée nationale et de tribunaux indépendants et impartiaux, considérant que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois fondamentales et par la création d'institutions démocratiques qui lui sont propres, considérant l'entrée du Québec dans la Fédération canadienne en 1867, considérant l'engagement résolu du Québec à respecter les droits et libertés de la personne, considérant l'existence au sein du Québec des nations Abénakis, Algonquines, Atikamekw, Cree, Huron, Innu, Malécite, Mi'kmaq, Mohawk, Naskapi et Inuit, et les principes associés à cette reconnaissance énoncés dans la résolution du 20 mars 1985 de l'Assemblée nationale, notamment leur droit à l'autonomie au sein du Québec, considérant l'existence d'une communauté québécoise d'expression anglaise jouissant de droits consacrés, considérant que le Québec reconnaît l'apport des Québécoises et des Québécois de toute origine à son développement, considérant que l'Assemblée nationale est composée de députés élus, excusez-moi, au suffrage universel par le peuple québécois et qu'elle tient sa légitimité de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit propre, considérant qu'il incombe à l'Assemblée nationale en tant que dépositaire des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois de le défendre contre toute tentative de l'en spolier ou d'y porter atteinte, considérant que l'Assemblée nationale n'a pas adhéré à la loi constitutionnelle de 1982, adoptée malgré son opposition, considérant que le Québec fait face à une politique du gouvernement fédéral visant à remettre en cause la légitimité, l'intégrité et le bon fonctionnement de ces institutions démocratiques nationales, notamment par l'adoption de la proclamation de la loi donnant effet à l'exigence de clarté reformulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le renvoi sur la sécession du Québec, considérant qu'il y a lieu de réaffirmer le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre d'assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et d'assurer son développement économique, social et culturel, considérant que par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises application, et plus particulièrement lors des référendums tenus en 1981, 1992 et 1995, Considérant l'avis consultatif rendu par la Cour suprême du Canada le 20 août 1998 et la reconnaissance par le gouvernement du Québec de son importance politique, considérant qu'il est nécessaire de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois, les responsabilités de l'État du Québec, ainsi que les droits et les prérogatives de l'Assemblée nationale à l'égard de toute question relative à l'avenir de ce peuple, le Parlement du Québec décrète ce qui suit. Vous voyez que dans toute cette liste des considérants-là, on a établi de jure, en droit, l'existence de l'État du Québec. Oui. Oui. Un, deux, trois. Considérant l'entrée du Québec dans la Fédération canadienne en 1867. Oui. On est entré. Mais on a le droit d'en sortir. OK. Alors, le Parlement. Alors, c'est ça. Alors. Vous vous rendez compte, là, qu'avant cette loi-là, il n'y avait aucun texte qui établissait l'existence d'un État du Québec. Cette loi-là est la première à le faire. C'est ce qu'on appelle du droit statutaire. Parce que ça se prononce sur le statut. Le statut du Québec. C'est un État. Oui, oui. Non, non, attends, excusez-moi, là. La loi en question en 2001... Oui. Mais en 2001, lorsque la loi a été adoptée, le promoteur de la loi, c'était Joseph Facal, qui était alors ministre responsable des relations fédérales-provinciales. Oui. On s'en reparlera tout à l'heure. Alors, le Parlement du Québec décrète ce qui suit. Chapitre 1... du peuple québécois. Oui, the people. Hein? Et voici ce que ça dit. Quand je vous dis qu'on est souverain, c'est là qu'on en trouve le fondement. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples, et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du Québec. Le peuple québécois détermine seul, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en propre, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec. Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa. Article 4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la loi sur la consultation populaire, l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 50 % de ces votes plus un vote. Alors, voyez-vous, en quatre petits articles, le peuple est souverain. On ne vous a jamais dit ça, hein? C'est quoi le nom de la loi? Oui, attendez, elle a un nom à coucher dehors, mais... Alors, c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec. Loi 99-2001. OK. Et là, après avoir parlé du peuple, dont la souveraineté vient d'être établie par-dessus la tête de la reine, hein, c'est culotté, OK, voici que, au chapitre 2, on nous parle de l'État national du Québec. Alors donc, il y a la souveraineté du peuple, puis il y a la souveraineté de l'État. Le peuple, lui, c'est fait. Okay? Le peuple est souverain. La loi le dit. Elle est en vigueur depuis 2000 ans. OK? OK, c'est l'autre souveraineté qu'on n'a pas. L'État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Cette volonté s'exprime par l'élection au suffrage universel de députés à l'Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de la loi électorale ou lors de référendums tenus en vertu de la loi sur la consultation populaire. La qualité d'électeur est établie selon les dispositions de la loi électorale. Article 6. L'État du Québec est souverain. Écoutez bien. L'État du Québec est souverain dans les domaines de compétences qui sont les siens, dans le cadre des lois et des conventions de notre nature constitutionnelle. Il est également détenteur au nom du peuple québécois de tout droit établi à son avantage en vertu d'une convention ou d'une obligation constitutionnelle. Okay? Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle les principes qui ont été élaborés par la jurisprudence canadienne relativement à la souveraineté du Québec dans les champs qui sont de sa compétence. OK? Le gouvernement a le devoir de soutenir l'exercice de ses prérogatives et de défendre en tout temps et partout leur intégrité, y compris sur la scène internationale. L'État du Québec est libre de consentir à être lié par tout traité, convention ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle. Dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention ou entente ne peut l'engager à moins qu'il n'ait formellement signifié son consentement à être lié par la voix de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, selon les dispositions de la loi. Il peut également, dans ses domaines de compétences, établir et poursuivre ses relations avec des États étrangers et des organisations internationales et assurer sa représentation à l'extérieur du Québec. C'est dire, avant, tout reposait sur une base de bonne entente, OK, ou d'acceptation par les uns et par les autres à Ottawa et à Québec de certaines règles. Là, tout ça là, vient d'être précisé dans un cadre législatif clair. OK? Article 8. Je vous ai dit qu'il y en avait 13. On achève. Le français est la langue officielle du Québec. En fait, sur cette question-là, là, quant à moi, parce que c'est une chose à laquelle... sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Dès 1974, au moment de l'adoption de la loi 101, si vous retracez le devoir, d'ailleurs, je le rappelle à la journaliste Alice Julien, la rédactrice en chef du devoir, le premier qui m'a publié un article dans le devoir, c'est Claude Ryan. Et c'était un article qui portait sur une analyse de la loi 101. Et Claude Ryan avait tellement apprécié mon texte qu'il m'avait donné une page entière dans le devoir. Une page entière. Okay? Quand vous regardez aujourd'hui à quel point les textes sont courts et puis qu'on vous donne des petits morceaux, vous comprenez là, que... Bon. Alors, la langue officielle, ce n'est pas le bon terme. Quand on est tombé dans le piège du fédéral avec la langue officielle, quel était ce piège? Le gouvernement fédéral avait adopté en 1968 une loi fédérale sur les langues officielles. Et on a repris la terminologie « langue officielle » sans s'assurer que c'était la bonne terminologie. Et des exemples comme ceux-là, dans notre histoire constitutionnelle, il y en a plein. Je le sais, j'ai travaillé avec le professeur Herbert Marx, qui est devenu juge, à la révision des traductions qui avaient été effectuées au temps de la commission Roel-Sirois dans les années 40. Et on avait découvert toutes sortes de monstruosités. Je me souviens d'une entre autres, dans l'arrêt de Liquidators of the Maritime Bank, une affaire qui se passait au Nouveau-Brunswick, on avait traduit « The alleged conversion of the wood » dans un billet de dépôt, OK, par la prétendue transformation du bois, alors qu'en common law, la conversion, c'est une appropriation illicite. Ça vous donne une idée. Puis, dans deux autres grandes affaires, en 1936, que ce soit la convention sur les communications ou bien la convention sur l'aéronautique, les négociateurs du gouvernement canadien étaient partis participer aux conférences internationales à Genève ou en France, je ne me souviens plus. Et puis, ils avaient ramené la version originale Appelle la version, la traduction, parce que la négociation de l'entente s'était faite en français. Ils avaient apporté la traduction anglaise. Et les traducteurs canadiens avaient, parce qu'ils ignoraient que la convention avait été traduite et qu'il y avait une version originale française, avaient donc retraduit ça en français, alors qu'il y avait une version originale qui existait déjà. Imaginez, la coquille a été découverte seulement dans les années 60. Et le Canada a dû réadopter les deux lois en se référant au texte officiel français. C'est vous dire. Alors, on revient à l'article 8. La langue, la terminologie qui devrait être employée, c'est le français et la langue de l'État du Québec. Il y a une notion en droit international qui s'appelle la langue d'État. Et il y a tout un protocole qui s'applique à une langue d'État. Alors, les devoirs et obligations se rattachant à ce statut ou en découlant sont établis par la Charte de la langue française. L'État du Québec doit favoriser la qualité et le rayonnement de la langue française. Il poursuit ses objectifs avec un esprit de justice et d'ouverture dans le respect des droits consacrés de la communauté québécoise d'expression anglaise. Chapitre 3. Je vous ai parlé des attributs de la souveraineté un peu plus tôt. On est rendu à l'article 9, il en reste 4. Le chapitre 3, il s'intitule « Du territoire québécois ». Parce qu'un État, ça se définit par son peuple, son existence comme État et son territoire. Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de l'Assemblée nationale. Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité territoriale du Québec. Article 10. L'État du Québec exerce sur le territoire québécois et au nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au domaine public québécois. L'État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus particulièrement en confier l'administration déléguée à des entités locales ou régionales mandatées par lui, le tout conformément à la loi. Il favorise la prise en charge de leur développement par les collectivités locales et régionales. Chapitre 4. Des nations autochtones du Québec. Article 11. L'État du Québec reconnaît, dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles, les droits existants, ancestraux ou issus de traités des nations autochtones du Québec. Le gouvernement, article 12. Le gouvernement s'engage à promouvoir l'établissement et le maintien de relations harmonieuses avec ces nations et à favoriser leur développement ainsi que l'amélioration de leurs conditions économiques, sociales et culturelles. Et puis, maintenant, chapitre 5, disposition finale. Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale, ni contraindre la volonté démocratique du peuple québécois à disposer lui-même de son avenir. Alors voilà, c'est ce qui prend fin. Et vous voyez qu'en 13 articles, des tas de questions que vous vous posez depuis longtemps, bien, vous découvrez qu'elles ont été réglées. Mais le drame, le plus gros drame, dans le fond, c'est que, un, les Québécois ne sont pas au courant. Et je dirais que même des ministres de mes anciens collègues qui étaient au gouvernement au moment de l'adoption de la loi, ignorent même la teneur et la portée. OK? Ils ne comprennent pas la portée que cette loi a. C'est quand même stupéfiant, hein? Puis je pourrais vous donner des noms, mais ça ne serait pas charitable. Hein? Ben, c'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi le gouvernement fédéral conteste la constitutionnalité de cette loi. Alors, rappelons que cette loi, elle a été adoptée sur division, les libéraux de l'époque l'ayant refusé de voter en sa faveur. Elle jouissait donc d'une légitimité relative, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en octobre 2013, au moment de l'annonce de sa contestation par le gouvernement fédéral, Pauline Marois, alors première ministre, déposa une motion condamnant l'intrusion du gouvernement du Québec dans la démocratie québécoise par sa volonté de faire invalider les dispositions contestées de la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois. La motion fut adoptée sans débat à l'unanimité des 114 députés présents en Chambre au moment de son adoption. Au moment de l'adoption de la motion, Philippe Couillard venait d'être nommé chef du PLQ. Il a donné à ses troupes la consigne de voter en faveur. Il s'en mord les pouces depuis. L'adoption de cette motion confère à la loi 99 une légitimité totale. Bon, on arrive à la fin de la journée. Je vous repose la question, parce que c'est vous qui allez décider. Je le sais qu'il y a énormément de fatigue. Je le sais qu'à l'heure du souper, on est dedans. Nous, il nous reste de l'eau, il nous reste des biscuits. Donc, c'est vous qui allez décider si vous voulez poser au moins qu'on fasse une période de questions-réponses, un genre de mini-débat avec l'ensemble des conférenciers qui vont être devant vous. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, si vous voulez le faire, si vous voulez qu'on prenne peut-être au moins trois quarts d'heure, une heure de votre temps pour le faire. Donc, c'est vous qui décidez, j'attends votre réponse. Est-ce que ça vous intéresse? On fait ça à main levée? On va les laisser voter sur cette question. Et je vous rappelle que vous écoutez radioinfocy.com. Nous sommes en direct du colloque. Donc, nous sommes à point de déterminer la fin du colloque par la séance de questions. Et pour pouvoir régler la question, on a demandé de faire un vote. Donc, il semblerait qu'on va être là. Donc, Radio InfoCité va vous diffuser une partie jusqu'à 19h maximum de ce débat. Nous avons dit à M. Bouliane que nous étions pour le faire. Et ça nous fait un très grand plaisir. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous qui nous ont écrit, qui nous ont demandé de bien vouloir continuer. Donc, on va continuer. Malheureusement, on ne retransmettra pas vos questions si vous faites des commentaires ou des questions. Ça aurait été très intéressant de le faire, mais on ne procédera pas. Pour le moment, on va faire une petite pause, le temps que le rafraîchissement se mette en cours. On va vous mettre ça, une pause musicale, et jusqu'à ce que le retour de tout le monde, un petit 10 minutes. Donc, vous avez le temps de vous lever, aller faire un petit tour, je sais pas, aux toilettes, si vous n'étiez pas après déjà. Donne-moi des enfants au Québec, terre-mère, je vais coucher avec ton nom soirée. Je t'aime Québec, j'aime ton père Québec, je vais marcher sur ta loge, j'ai sur ta loge, j'ai sur ta loge. Cette fois, c'est sérieux. Je t'aime. J't'aime pantouf, patapouf, pif, paf, à l'envers et l'entrée, les yeux dans ma farine. J't'aime en crème de menthe, des crèmes fouettées, des sardines en sourdine. J't'aime au Québec, patapouf, pif, paf, des forêts vierges, des cerges et une pièce. Hey Québec, marie-moi Québec, j't'aime des bouts à l'autre sans arrêter, les yeux fermés. Québec. Donne-moi des enfants au Québec, terre-mère, j'vais coucher avec ton nounours storé. J't'aime Québec, j'aime ton père Québec, j'ai marché sur ta lune, c'est froid, c'est sérieux. Maison à l'envers, mes vidanges pas sortis, j't'aime. Moses de mini-loto, de mangeuse de pin. Angeline, à l'envers à l'entrée, les yeux dans margarine. J't'aime en sourdine, pec-moi Québec, mon légume transparent. J'te croquerai si fort que si en fondre. Donne-moi des enfants au Québec, terre-mère, j'vais coucher avec ton nom staré. J't'aime Québec, j'aime ton père Québec, j'vais marcher sur ta lune. C'est sérieux. Donne-moi des enfants au Québec, terre-mère, je vais coucher avec ton nounours doré. J't'aime Québec, j'aime ton père Québec, je vais marcher sur ta lune. C'est froid, c'est sérieux. l'envers et l'entraide, les yeux de margarine. J'aime en crème de menthe, du crème fouettée, du sardine en sourdine. J't'aime Québec, patapouf, pif-paf. Québec, forêt vierge, des cierges à une pièce. Hey Québec, marie-moi Québec. J't'aime les bouelles, autant s'arrêter, les yeux pépés. En super porte de goût, en maxi monté, avec un jean serré. J't'aime sexy, laisse-moi te toucher. Oh, tirisinha, mierda Angola já acaba. Já nunca tem dinheiro que punga está mamô. Oh, tirisinha, mierda Angola já acaba. Já nunca tem dinheiro que punga está mamô. Se boca crê, arranja mami. Punta arranja bu na brigada de estrada. Se boca crê, arranja mami. Punta arranja bu na brigada de estrada. Oi, tirizinha, dinheiro da Angola já acaba. Já nunca tem dinheiro que punga já mamou. Oi, tirizinha, dinheiro da Angola já acaba. Já nunca tem dinheiro que punga já mamou. Se boca crê, arranja mami. Um tarranja bom na brigada de estrada. Se boca crê, arranja mami. Um tarranja bom na brigada de estrada. Vou crer só dinheiro e já me catei. Na minha jumbeira já me catei 20. Vou crer só dinheiro e já me catei. Na minha jumbeira já me catei 20. Boca cri, arranja mami, um tarranja bu na brigada de estrada. Se boca cri, arranja mami, um tarranja bu na brigada de estrada. Se boca cri, arranja mami, um tarranja bu na brigada de estrada. Vou crer só mi jam catin, na minha jumbeira, jam catin vinte. Vou crer só dinheiro, mi jam catin, na minha jumbeira, jam catin vinte. Se boca crer, anja mami, um tarranja bom, na brigada de estrada. Se boca crer, anja mami. Na brigada de estrada. Nous sommes de retour, bien sûr. Je vous rappelle toujours que vous écoutez Radio Infocité. Bonsoir tout le monde. Écoute, je suis Robert pour la sécurité. Il y a certaines personnes qu'on a saisi des petits objets. Alors, si vous voulez les revoir, ici en bas, il y a une petite porte blanche. Alors, quand vous quittez, vous avez juste à venir cogner, nous identifier votre objet et on va vous le redonner. C'est bon? Merci. Et voilà, le message est passé. Juste pour montrer comment que la sécurité... On va regarder le tirage rapidement. Donc, on a les noms ici de ceux qui ont acheté leur billet sur Internet. Je vais demander à Valier Roy, animateur à la radio à Québec, à Lévis. C'est la radio CJMD 96.9 à Lévis. Valier Roy qui va animer le débat par la suite ou les questions-réponses. Donc, Valier, si tu veux tirer un nom. Je les ai déjà brassés avant, les yeux fermés. Donc, la personne qui a gagné la liseuse, c'est Maxime Saulnier. Est-ce que Maxime est présent? Est-ce que Maxime est présent? Ah, OK. Ah, oh, ben bravo! Alors, il avait promis de faire tirer un de ses liseuses. Un petit candle pour faire publicité. Donc, on passe à la section questions-réponses. On va y aller avec les questions-réponses. Là, je vous présente ici Valier Roy, l'animateur de radio de Lévis. Il va essayer de voir à l'animation des questions-réponses et du mini-débat qu'on fait. Ensuite, je vais faire les derniers remerciements, puis on se revoit tantôt. Merci. Oui, bonjour, ça me fait plaisir. Je pense que ça a été une grosse journée. Je dois remercier Guy pour toute l'organisation, sa femme Francine. Je pense que c'est une bonne main d'applaudissements. Tous nos conférenciers aussi qui ont été excellents du premier au dernier. Puis je pense aussi que la journée nous a prouvé qu'il n'y a pas de gauche ou de droite, mais c'est le gros bon sens. Il ne faut jamais oublier que les mainstream médias, souvent, c'est leur jeu. C'est que quand ils veulent te discréditer, ben, ils disent toujours l'extrême droite. Fait que, on l'a vu aujourd'hui, on a eu des débats de qualité. Et j'ai bien hâte aux questions, je pense que ça va être de qualité aussi. Puis on va commencer avec les questions. Une question, vous allez vous nommer votre nom, puis vous allez demander à qui vous voulez demander votre question. Mon nom est André Laplante. On a droit à une question? Oui, peut-être une sous-question. Ouais, OK. La première question, c'est peut-être une question que je me pose. J'aimerais avoir vos commentaires. Vous avez parlé, M. Lehir, de Bouchard, qui n'avait pas compris la teneur de la loi 99, je crois. Mais moi, j'ai eu un gros doute quand j'ai vu à la fête de Mme Assagard. J'étais pas mal... une question puis une réponse, je pense. Dimension. Ensuite, il faut comprendre que qui est M. Bouchard. Okay. Et j'ai écrit un texte, Un grand corbeau noir, M. Bouchard. Allez lire ce texte. Moi, je l'ai observé, analysé, dans le long, dans l'âge et dans le travers. Avant que je sois recruté par le Parti québécois, M. Bouchard avait tenté de me recruter pour le Bloc québécois. Et je suis allé le rencontrer. Il m'avait invité... dans un salon privé au restaurant chez Pierre à Montréal. Et je vous avoue franchement que j'avais eu une très mauvaise réaction. J'avais le sentiment qu'il était en train de me psychanalyser. Et puis, j'ai tout de suite vu que c'est quelqu'un qui aimait séduire et qui ne tolérait pas qu'on lui tienne tête. OK? Il cherchait des yes men. Hein? Il cherchait des yes men. Ben, oh, et puis c'est surtout pas ce que je suis. Hein. Alors, j'ai eu dès le départ des réserves à son endroit. Et puis, bon, ces dernières années, en écrivant des articles sur Vigile, à un moment donné, je me suis posé d'autres questions, et là, je me suis mis à fouiller. Et je suis tombé sur un article, ben, en fait, c'est quand je préparais mon livre sur Desmarais. OK? La dépossession tranquille. Hein? Oui, oui, oui. OK. Alors, en faisant mes recherches là-dessus, j'ai voulu savoir à quel moment Lucien Bouchard était devenu ami avec Paul Desmarais, et j'ai trouvé. OK? Lucien Bouchard a été ministre dans le gouvernement de Mulroney. OK? Et avant même de devenir ministre, il avait été nommé ambassadeur à Paris. En 1985, c'est au mois de juillet, je pense que c'est d'ailleurs, c'est bizarre, ça tombe sur ma date d'anniversaire, je pense que c'est le 9 juillet 1985, il donne une entrevue à Radio-Canada dans laquelle il se fait poser la question, mais M. Bouchard, on vous a toujours tenu pour un nationaliste. Et Bouchard de répondre, non, moi je suis un Canadien. OK? Et on apprend qu'il va être nommé, dans l'entrevue en question, ambassadeur à Paris. Alors ça, c'est il entre en fonction, dans ce poste-là, en juillet 85, et en avril 85, c'est le fameux sommet irlandais à Ottawa. Et au sommet irlandais à Ottawa, il est assis... c'est une décision du protocole du bureau de Brian Mulroney, hein, à l'époque, le premier ministre. C'est, dans un événement comme celui-là, protocolaire, c'est très solide. Personne ne s'installe où il veut, là. T'as une place désignée. Il est assis spécifiquement à la table de Paul Desmarais. Et c'est là qu'il fait la rencontre de Paul Desmarais. Et à partir de juillet, lorsqu'il est ambassadeur à Paris, il va ouvrir tout grand les salons de l'ambassade pour que Desmarais, Power Corporation, qui sont en train à ce moment-là de s'implanter en Europe, développent ses affaires aux frais du gouvernement canadien. C'est incroyable, ça, non? Oui, Total, puis les cimenteries, etc. Voilà. Et pour répondre à la question aussi de M. Lahire, c'est que Desmarais avait demandé une partie de la forêt québécoise, c'est marqué dans le livre de M. Philpot. Il avait demandé longtemps à M. Bourassa, il avait toujours refusé. Et quand M. Bouchard est arrivé au pouvoir, deux, trois jours après, il acceptait de céder une partie des forêts à M. Desmarais. Fait que, il y avait une très grosse connexion entre les deux, contrairement à ce que les gens pensent. Très, très étroite. Et même pendant la période au cours de laquelle Bouchard était premier ministre, il était en contact régulier avec Paul Desmarais. OK. Puis j'ai ma demi-question, c'est pour monsieur, j'ai oublié son nom. Vous avez parlé de la Nouvelle-Écosse qui retourne en Grande-Bretagne. À Terre-Neuve qui retourne en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui va arriver avec le Labrador? Qu'on laisse, personne s'en occupe, qui a été donné en 1923-27. Par le Philippe, je ne sais pas trop. Là. Ouais, ben, c'est-à-dire que la référence que je faisais, j'évoquais la possibilité d'une option, d'une voie, à savoir la possibilité pour une province, et c'est ce que Terre-Neuve a menacé de faire pendant des années, de retourner dans le giron de la Grande-Bretagne. Bon, on sait qu'avec Hibernia et les plateformes pétrolières, finalement, Terre-Neuve en a eu pour son compte et le fédéral a fait le découpage en fonction du droit international, du droit maritime. Ça, c'est pas certain, là, mais enfin, il semble y avoir une zone d'incertitude. Là. Mais maintenant, Terre-Neuve est une province heureuse. Mais auparavant, il y avait toujours cette menace d'un retour, autrement dit, de quitter la Confédération. et de retourner dans le giron du Royaume-Uni au même titre que l'Écosse, l'Irlande, ainsi de suite. Et c'est ça. Labrador, est-ce qu'on peut, on pourrait dire que le Labrador, ce serait les... Ben, le Labrador suivrait. Qui serait, vu que personne s'en est occupé pendant 75 ans, ouais, il y aurait un laisser-aller, puis on pourrait repérer le... Oui. C'est-à-dire que vous posez une excellente question, c'est que en common law, et on l'a vu avec les décisions de la Cour suprême américaine dans le dossier de Guantanamo Bay, les détenus de Guantanamo Bay, c'est que la juridiction américaine sur cette partie de l'île de Cuba, qui n'est pas, enfin, qui ne fait pas partie de l'île de Cuba, où est la prison de Guantanamo, eh bien, les Américains exercent un contrôle. Et le critère de la souveraineté, c'est le contrôle. Donc, si vous contrôlez le territoire, autrement dit, si vous l'occupez, personne ne peut venir vous l'enlever. Le problème avec le Québec, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en regardant une carte géographique du Québec et du Canada, et on a un collègue géologue qui nous a fait une démonstration hors de tout doute raisonnable, c'est un immense territoire, à peu près pas occupé. On peut s'interroger sur le contrôle. Mais ce qui semble certain, des jurés, pour reprendre l'expression de Maître Lehir, c'est que ça appartient à la reine parce que ça a été conquis. Donc, en common law, il y a le droit de conquête, que le droit international ne reconnaît pas, en soit dit en passant, mais qui est antérieur au droit international. C'est l'ancien droit de la mer. Hein? C'est le droit de la marine britannique d'arriver sur une île et de dire « ça, c'est chez nous ». C'est le territoire du roi. On prend possession, the right to conquest. Et il est là le problème pour le Québec, pour l'indépendance du Québec. Il faudrait peupler le nord. Il faudrait peupler au-dessus de l'Abitibi. Il faudrait qu'il y ait des villes. Il faudrait qu'on ouvre des postes de la Sûreté du Québec. Il faudrait qu'on exerce une forme de juridiction. Mais tant aussi longtemps que trois quarts du territoire du Québec et du Canada aussi, soit dit en passant, parce qu'il faut penser que M. Poutine, il regarde le territoire canadien et que des bombardiers russes survolent de temps à autre le territoire canadien, ce qui force l'intervention du NORAD. Donc, on revient au fond, il y a un droit international, oui, mais comme dit John Bolton, l'ancien représentant américain à l'Assemblée générale des Nations unies, on s'interroge sur les États qui composent l'Assemblée générale des Nations unies, sur la qualité des gouvernements, la séparation des pouvoirs pour la plupart de ces États qui ne sont pas démocratiques, soit dit en passant. Donc, en mettant de côté le droit international, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient en common law. Même si on est de tradition civiliste, on tombe dans le droit de la mer, et là, c'est le droit de la conquête. On se promène avec des bateaux, des canons, des drapeaux. Et c'est le droit de la guerre, c'est le droit du plus fort. Donc, le droit découle de la force. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai fait une partie de mon intervention sur la question du NORAD, et de l'implication du Canada et des conséquences pour la souveraineté canadienne et pour la souveraineté du Québec. Est-ce que ça répond, monsieur? Bon, là, c'est parce que je suis pas... Ouais, en deux secondes, est-ce que le délai que le Québec s'est pas occupé peut avoir un effet... Moi, je pense pas qu'il y a c'est tellement une question de prescription, c'est surtout une question de contrôle. Est-ce qu'on contrôle? Merci. Voilà. Oui, c'est à vous, madame. Jacinthe Lafrenais. Monsieur Lehir, vous dites que la langue française, c'est la langue d'État? Non. J'ai justement dit qu'elle aurait dû être qualifiée de langue d'État. Et elle est seulement pour l'instant... OK. Bien, d'abord, bien, ma question, moi, vous l'a dit pareil. Quand Couillard sont arrivés à l'Assemblée nationale, la sermentation, il y en a qui l'ont faite en anglais. On aurait-tu pu les faire se rétracter, langue d'État ou pas? Non. Il n'y avait rien à faire? Non. Je veux dire, d'abord, c'est fait. C'est fait, oui. Okay. J'ai dit, est-ce qu'on aurait pu? Alors, tant et aussi longtemps que la langue française n'est pas considérée dans un texte de loi comme langue d'État, Ça n'est pas possible. OK? Et vous vous souviendrez que lorsque la loi 101 a été adoptée, il y avait un chapitre de la loi 101 qui portait sur la langue de le français, langue de l'administration et de la justice. C'est une des premières parties de la loi que les grands cabinets anglophones de Montréal se sont appliqués à contester et à faire renverser. Okay? Mais il n'y a pas de doute que si le Québec modifiait, le gouvernement du Québec modifiait son texte de loi en écrivant, en substituant les mots « langue d'État », ça rouvrirait complètement le débat. Est-ce que ça répond, madame? Oui, à vous, monsieur. Victor Patriote, citoyen Charbonneau libre. Monsieur Lahire, c'est le concernant de Labrador, c'est ça, c'est qu'en regardant différents volumes, j'ai essayé de m'intéresser à ce cas-là, Labrador, c'est que dans l'histoire du Québec, la frontière du Québec a été modifiée pratiquement 28 à 32 fois, je crois, depuis le début. Puis, lorsque Terre-Neuve est rentrée, bien, c'est parce que l'Angleterre n'en voulait plus, elle coûtait trop cher après la guerre, tout ça. Puis la frontière, c'était non déterminée, c'est-à-dire que c'était un tiret, un point, un tiret, un point. Je crois que ça a été un trait continu lorsque le Parti québécois est rentré au pouvoir, parce que sur les cartes représentées, il n'y avait plus de tiret, le point, le tiret, le point. Ça n'a rien à voir avec le Parti québécois, parce que le Parti québécois n'a jamais reconnu officiellement la frontière du Labrador. Bien, c'est ça, justement. Les 60 dernières années, même 80 ans, que en arrière, les différents gouvernements du Québec ont demandé le Labrador. Puis moi, je me souviens d'avoir participé à une discussion en 95 dans laquelle j'avais exprimé mon opposition à ce que on reconnaisse quoi que ce soit en ce qui concernait le Labrador. Oui, mais M. Parizeau voulait acheter à 1 million par habitant à Terre-Neuve. Non. Je profite de votre question pour ajouter une précision en ce qui concerne Terre-Neuve, parce que Maître Laferrière a parlé là, du degré de satisfaction des Terre-Neuviens relativement à leur situation actuelle dans le régime fédéral. Il se trouve que moi, dans les années 75, j'étais chez ESSO et que je me suis retrouvé à un moment donné directeur des affaires publiques d'ESSO pour la région de l'Atlantique en poste à Halifax. Et que c'est l'époque où le gouvernement fédéral négociait avec la province de Terre-Neuve toute la question des droits miniers sous-marins. Et que j'avais été envoyé, parce que c'était l'hiver, une tempête de neige, le président de ESSO Exploration, à ce moment-là, n'était pas en mesure de se rendre à Terre-Neuve pour participer à la cérémonie d'annonce officielle. Donc, vu que j'étais à Halifax, c'est moi qu'on avait envoyé pour représenter ESSO. La satisfaction était très grande. Et ESSO était le principal promoteur du projet Hibernia à l'époque. Alors, il y avait Brian Peckford qui était à la table, qui était à l'époque le premier ministre de Terre-Neuve, et qui, évidemment, était très heureux. Puis pour lui, il n'était plus question là, de revenir sur, comme Joey Smallwood, qui avait été le premier premier ministre de Terre-Neuve, là. De revenir sur l'entente avec le gouvernement fédéral. Mais tout ça allait bien tant et aussi longtemps que le prix du pétrole était élevé. Or, depuis trois ans maintenant, le prix du pétrole a beaucoup baissé et les Terre-Neuviens tirent le yacht par la queue. Ils sont revenus à la situation dans laquelle ils étaient auparavant et la question de l'appartenance de Terre-Neuve au Canada est de nouveau posée aujourd'hui. C'est ça, c'est que aussi longtemps que la province, ça m'écoeure de dire ce mot-là, souvent je dis la réserve du Québec, il y a la plus grande réserve au Canada. C'est ça, c'est qu'aussi longtemps que la frontière n'est pas comme définie, on a fait des demandes là-dessus, mais un autre point. Oui, votre dernière question, vous donnez la chance à d'autres. Comme sur le Labrador, là, rapidement. C'est ça, c'est que ce qui me fait peur, moi, en ce moment, c'est que j'ai remarqué que la frontière sud de la côte nord, qui normalement, c'est le partage des eaux. D'accord? Elle est représentée partout, partout, d'un trait continu. Si on fait le trait continu dans lequel elle est représentée en ce moment, on perd l'équivalent du territoire de la Gaspésie. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune reconnaissance qui a été consentie par le Québec de la frontière. Oui, mais Labrador non plus, on ne l'a plus. Comment? Bien, ça veut dire que c'est une question qui demeure à débattre. C'est ça, j'espère. Éventuellement. Oui, M. Nantel, attendez une minute. OK. Sur de nombreuses cartes internationales, la frontière sud du Labrador s'est marquée indéterminée encore. Okay. Parce que le Québec a toujours dit que c'était le partage des eaux, c'était la décision du conseil privé. Puis en 27, je crois, en tout cas, ils ont décidé que c'était une ligne droite. Puis on perd la petite rivière Mécanica. L'équivalent de la Gaspésie. Alors la question, c'est ça. Ça, c'est pas déterminé du tout. Ça peut être ouvert à débat. Oui, ça fait mal si on perd. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, monsieur. C'est quoi votre nom? Oui, merci. C'est Antoine Boucher-Paquette, bénévole à Radio Infocité. Ma question est peut-être dans un premier temps pour monsieur Lehir, étant donné que vous avez été dans la machine gouvernementale à une époque charnière au Québec. Donc, mais si jamais un autre intervenant qui a peut-être une autre piste de réflexion, rapidement, si vous voulez intervenir, je pense que ça pourrait être intéressant. C'est par rapport aux élites politiques souverainistes actuellement, et peut-être même, depuis peut-être 15-20 ans, je remarque que dans le débat public, la souveraineté est très peu mise de l'avant. On n'en parle pas du bout des lèvres, disons, peut-être. Souvent entre convaincus, d'ailleurs. J'arrive mal à m'expliquer pourquoi, entre autres, le navire amiral, disons, le Parti québécois, a joué vraiment la carte de l'attentisme, si je peux me permettre, les conditions gagnantes en tant que telles. Donc, ma question est celle-ci. Quelles sont là où les causes, et je risque le mot, disons, systémique, peut-être, à votre avis, qui explique la couardise de nos élites politiques? Et comment les obliger à rentrer dans le droit chemin? Je l'ai mentionné dans mon texte, là, dans ma conférence. Les Québécois sont pas fous. Mm-hmm. Ils ont bien vu qu'en 1995, la stratégie était inadéquate. OK? Il faut être conscient de ce qui s'est passé. Hein? Il faut qu'on... Les gens ne savent pas que le 5 mai, par exemple, 1995, OK? Il y a eu un putsch au cabinet, au Conseil des ministres. J'étais là, je l'ai vu. Mm-hmm. Okay. Normalement, c'est des choses qu'on ne doit pas répéter. Bon, ça fait 20 ans en plus. Un putsch? Parizeau s'est fait mettre en minorité. OK. Et il s'est fait dire par certains membres, les éléphants du cabinet, dont, parmi lesquels je ne figurais pas, on retire notre confiance. Et c'est comme ça que Jean-François Lisée s'est retrouvé mandaté pour aller recruter Lucien Bouchard et le petit Dumont. Mais si je peux mettre un mot là-dessus, en 95, c'est quand même un peu une illusion, parce que pas oublier que le PQ a à peu près toujours 40%, puis c'est ça qu'il y avait eu en 1980. Pas oublier que le 9% et quelques qu'il y a eu, moi je pense qu'il y a beaucoup de nationalistes de l'ADQ, les libéraux que je faisais partie, qui avaient été dans le rapport à l'air, tout ça, je suis pas sûr qu'ils sont frais à un référendum, puis on n'aurait pas ces appuis-là. Ça prend une coalition plus grande. Je suis d'accord aujourd'hui que ça prendrait peut-être une coalition des patriotes, parce que juste avec le Parti québécois, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Mm-hmm. Oui. Ma question va paraître naïve, mais elle ne l'est pas, parce que je suis pas aussi naïf que... Bien, que je pourrais le laisser paraître des fois, c'est par rapport, vous venez de dire quelque chose d'important pour moi, dans le sens, bon, là, ça fait 20 ans, on se permet d'en parler. À l'époque, vous étiez ministre, vous faisiez partie du gouvernement. Est-ce qu'il y a un... C'est ça, ça peut paraître naïf, là, ma question, mais est-ce qu'il y a un code d'éthique, là, écrit ou dans l'espace, un code d'éthique qui interdit? Je veux dire, si quelque chose a à être dévoilé, qu'est-ce qui interdit à ce moment-là de le faire pour que justement le peuple soit au courant et qu'il puisse prendre des décisions adéquates? Si on nous cache tout, autrement dit, comment vous voulez que le peuple prenne des décisions? Quand on est nommé ministre, on prête un serment, OK, qui nous astreint à respecter la confidentialité des débats ministériels. Je me permets de faire légèrement un accroc, parce que justement, il s'est écoulé 20 ans, là. Mais techniquement, on pourrait me le reprocher. OK? Mais pour moi, c'est tellement important ce qui s'est passé là, tellement fondamental pour permettre aux gens de comprendre de la dynamique. Oui, oui. Pour comprendre, vous avez vu la suite, et quand vous voyez, par exemple, le soir du référendum, l'amertume qu'exprime Parizeau, vous comprenez que Parizeau sait qu'il n'a pas la confiance des députés. Même que quelques semaines avant le référendum, il y a une pétition qui va circuler parmi les députés pour demander à Parizeau de démissionner advenant, démissionner quel que soit le résultat du référendum après le référendum. C'est vous dire le degré de méfiance ou d'absence de confiance qui régnait au sein du cabinet. Parizeau avait, entre guillemets, déçu. Mais moi, je considère que c'est très injuste parce qu'il y a des gens qui avaient des responsabilités là-dedans et qui ont été en dessous de tout. En fait, Parizeau s'est fait torpiller dès le début de son mandat par la gang à Bouchard. Et quand vous connaissez, quand vous apprenez, vous découvrez ensuite les rapports de Bouchard avec Paul Desmarais et que vous comprenez que Paul Desmarais était un membre très influent du conseil privé, vous comprenez que il y a un deal, là, c'est ce que moi j'ai appelé l'état profond canadien. Hein? Voilà. Excellent point, M. Leahy. Ça fait penser à l'état profond canadien. On entend ça souvent, c'est ainsi, c'est l'état profond américain. Tout l'establishment, tous les gens, ça fait 40 ans qu'ils sont là, puis on essaye de déstabiliser notre ami Trump, évidemment. Est-ce que ça répond à votre question? Juste pour la dernière partie de la question, est-ce que quelqu'un parmi vous entrevoit quelques solutions pour faire, soit pour pousser le Parti québécois à adopter une ligne, disons, plus nationaliste en tant que telle, ou plus ferme, disons, dans le concret? À votre question, il y a une réponse claire, et je vais vous la révéler, je l'ai vécu directement avec M. Lévesque. C'était une fois que le Parti québécois, en 1976, gagne les élections par une majorité écrasante. Je pense que c'était 72, oui, députés. Alors, j'ai eu une rencontre avec M. Lévesque et je lui propose une solution pour devenir indépendant sans référendum et sans d'autres choses, et aussi, comme on avait cette opportunité de cette majorité légitime et indiscutable, alors je lui propose une chose très simple. Et M. René Lévesque, quand vous allez prêter allégeance, tous les députés du Parti québécois, quand vous allez prêter allégeance à la reine et à la monarchie britannique, vous allez refuser. Et vous ne pouvez pas, c'est ça la stratégie, je vous dis pourquoi, parce qu'il faut connaître l'histoire d'O'Connell. O'Connell, c'est un patriote irlandais. Lui, quand il a été élu pour représenter son peuple à Westminster, parce que l'Irlande n'était pas indépendante, lui, il avait refusé de prêter alliance à la reine et à la monarchie. Pourquoi? Parce que c'est une façon de provoquer et d'intéresser son peuple à devenir comme maître la Ferrière nous a dit tout à l'heure. Il dit, vous avez dit, pas la passion patriote, l'émotion patriote. C'était très important, cette émotion-là, de la transmettre à une majorité, parce qu'on l'avait en 76. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et en voyant que O'Connell refuse de prêter allégeance à la reine, les autres, ils ont dit, il faut qu'il rentre, il faut qu'il soit représenté à Westminster. Mais lui refuse. Si nous n'acceptons pas ça, ce qu'ils demandent, le peuple irlandais, il peut avoir une dynamique, des bonbons, il peut avoir, on peut avoir des gros problèmes. Alors, moi, en connaissant l'histoire de l'Irlande, tout ça, je le propose à Martin Rodríguez de ne pas prêter allégeance à la reine et à la monarchie. Maintenant, comme on sait qu'en ne prêtant pas allégeance à la reine ni à la monarchie, on ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tous ces députés-là retournent chez eux, mais il y a un vide de pouvoir. Parce qu'ils viennent de gagner, tous ces députés-là, ils viennent de gagner, que les peuples veulent que ce soit eux qui vont gouverner le Québec. Alors, vous vous imaginez cet vide-là de pouvoir, qu'ils sont là. Alors, comment on aurait solutionné les problèmes de cette vide-là? En acceptant tous ces députés-là de ne pas prêter allégeance à la reine ni à la monarchie. Mais, si on arrive là, qui serait très facile, parce qu'ils refusent, c'est pas violent, c'est pas contre la loi, c'est pas contre, c'est légitime. Alors, maintenant, ils vont accepter que ces députés-là puissent siéger sans prêter allégeance à la reine ni à la monarchie. Alors, on a automatiquement, je lui dis, ce pouvoir d'indépendance, parce que maintenant, on ne passe au-dessus, au-dessus d'un pouvoir monarchiste, absolutiste envers le Québec. Et en fait, vous pouvez vous imaginer comment on a pu, mais René Lévesque, il m'avait téléphoné, il m'a dit, Jean-Louis, nous ne sommes pas prêts à faire ça. Alors, vous voyez comment j'ai compris après que le Parti québécois, il ne ferait jamais l'indépendance du Québec. Mais pour répondre aussi à votre question, c'est que c'est ce que les gens savent peu aussi, c'est que René Lévesque a été convoqué par le Council on Foreign Relations, le CFR, peu longtemps après l'élection de 1976. Et on y aurait fait comprendre qu'il fallait que tu ailles par étapes. Il pouvait pas faire une souveraineté, un peu comme Guy Bertrand aurait voulu. Donc, il y a eu des pressions de ça. Ça s'est jamais beaucoup parlé, mais c'est documenté, ces choses-là. Donc, moi, je pense que c'est une partie de la réponse. Je voudrais simplement ajouter à titre documentaire, si ça vous intéresse, ces questions-là, c'est les relations entre Gerry Adams, Sinn Féin et l'Iran et la création du Parlement de Stormont. Les compromis que Gerry Adams a fait, et aujourd'hui il est accusé d'avoir vendu ses amis de l'IRA, et le dossier irlandais recommence un peu à refaire surface, mais bon, ça s'est étouffé avec ce qu'on appelle la decommission, c'est-à-dire quand l'IRA a rendu les armes, a divulgué à un général canadien, John de Chastelain, le lieu de cache des armes. Mais il faut comprendre qu'eux étaient prêts à aller avec l'émotion patriotique. Ce n'était pas des comptables ou des technocrates. Bon, moi, j'aimerais ajouter une chose, c'est qu'il y a toujours eu un conflit d'intérêts avec les gens au Parti québécois. Ils vivent de ça, de la politique. Alors, nous, les militants, on a toujours vu, d'ailleurs, ça nous a été présenté comme ça, comme des étapes. On se fait élire, après on fait l'indépendance, avec un référendum, puis là, on négocie. Bon, c'était comme ça. Pour les députés, ils vivent de ça. Alors, leur mentalité, ça a été de plus en plus, d'abord, se faire élire, c'est ce qu'ils nous disaient, mais finalement, en cachant l'indépendance. Puis là, on est rendu à la limite de ce paradigme-là. Là, ils ont carrément laissé tomber l'indépendance pour se faire élire. Non, c'était pas ça, l'idée. On a travaillé pendant 50 ans pour les faire élire, pour qu'ils fassent l'indépendance. Il faut que le paradigme arrive à sa fin, qu'il devienne catastrophique. Puis quand il va avoir mangé une volée, bien là, ils vont dire, bien, écoutez, là, il faut revenir à dire, on va faire l'élection pour faire l'indépendance, mais pas on se sert d'indépendance pour faire élire. Puis là, bien, on arrive à la fin de ce paradigme-là. D'accord. C'est donc, si je comprends bien, une sorte de stratégie de rupture jusqu'à un certain point? Oui, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que c'est la main de penser comme ça. Ouais. OK. Monsieur, le prochain. Oui, bonjour, je m'appelle Guillaume Bousquet. C'est gênant. pour Monsieur Blais, Une couple de mes questions vont avoir cette prémisse-là. On va parler de l'aventure socialiste du Québec, si on veut. C'est-à-dire, le fait de confier beaucoup d'argent à un gouvernement peut comporter un risque. Il y a une certaine partie de la population qui est insatisfaite de ça. Donc, vous avez parlé de l'irresponsabilité du gouvernement. C'était plutôt au niveau des intérêts qui payent inutilement. Je ne sais pas si vous connaissez le petit truc, la journée qu'on rentre dans la dette environnementale, c'est-à-dire on a tout consommé les ressources que la Terre produit dans l'année. Est-ce que vous croyez, puis c'est une suggestion, à l'instar de ça, qu'on pourrait créer une journée, si on veut, où on dit, OK, tout le monde, le gouvernement vient de dépenser maintenant toutes les recettes de l'année, tout ce qu'il n'y a personne impôt, c'est déjà tout gaspillé, déjà tout dépensé. Croyez-vous que... Parce que ça frappe quand même l'imaginaire, cette journée-là, où on arrive et on dit, tout est flambé, merci, tu sais. Mon Dieu. Moi, je pense. C'est peut-être à minuit 5, le 1er janvier. Je ne saisis pas vraiment la portée de votre question. On est dans un système international, monétaire, dans lequel ce sont les banquiers qui dictent aux États comment ça fonctionne. Donc, qu'on parle de Trudeau ou qu'on parle de Couillard, ils sont simplement au service d'une dépense qui est calée par l'élite internationale via la Banque des règlements internationaux. Ça peut paraître conspirationniste, mais c'est quand même ça. L'objectif, c'est qu'il y a une croissance de la masse monétaire qui doit être faite. Trudeau fait son travail au fédéral en nous proposant un déficit qui est créé de toutes pièces depuis qu'il est au pouvoir d'environ 100 milliards de dollars sur 4 ans. Donc, lui fait son travail. Et un déficit, il faut que ce soit comblé par de la dette monnaie privée. Donc, il fait son travail pour la haute finance. Maintenant, est-ce que vous pensez réellement que Trudeau, avec tous les reculs qu'il a fait sur ses promesses électorales, serait vraiment intéressé à ce qu'on lui donne un impact de surconsommation sur l'environnement du Canada? Je pense qu'il n'y en a rien à foutre, à part que de rendre service à ses maîtres, comme son père l'a fait. 3 trahisons, lui, il y en a une de commencer, là, celle du surdéficit qu'on avait sous contrôle. En fait, le problème du carriérisme politique et du service à des carriéristes politiques, ils sont au service de la haute finance. Et de la haute finance, même si on parle de Québec solidaire, jamais ils ont contesté le fait qu'on emprunte à des intérêts privés. Ce qu'ils veulent, c'est des déficits pour créer des programmes, mais on enlise, dans le fond, la population sur avec une dette qui est incontrôlable. Et ils en ont rien à foutre. Ils arrêtent le sujet-là. Le socialisme à crédit, que j'appelle. Le socialisme à crédit, c'est un petit peu la gauche. Et la droite, c'est le BS corporatif. C'est la même crise d'affaires. Tu sais, dans le fond, que tu dilapides les fonds publics pour en donner à des grandes corporations, ou que tu crées des programmes sociaux à outrance à crédit, c'est d'amputer l'avenir des générations futures, c'est des enchaînés. Carrément, on ne peut pas être sur une carte de crédit comme ça encore longtemps. Là, je veux dire, on pourrait, si on avait notre banque centrale, comme j'expliquais, refinancer de façon stratégique et graduelle pour ne pas créer de l'inflation. On pourrait refinancer la dette publique qu'on a présentement. Ce que je veux dire, là, c'est le concept de dette-monnaie nécessite la croissance continue d'une masse monétaire pour enrichir les banquiers. Qui dit croissance continue dit incompatibilité entre l'existence de ressources tangibles qui sont nos ressources collectives et versus le greed du capitalisme sauvage dicté justement par le mécanisme bancaire international. Donc, même si vous dites à Trudeau, hey, on va faire un constat, là, on vient de dilapider nos ressources là, pour l'année. Il le sait. Et savez-vous quoi? Il veut accélérer le processus parce qu'on lui a calé la shot. Donc, c'est là où le peuple, dans sa responsabilisation, doit comprendre c'est quoi le système dans lequel on est, pourquoi c'est du poison, pourquoi ils font migrer vers une monnaie citoyenne. Et cette monnaie citoyenne-là doit être justement basée sur des ressources renouvelables à mon avis, plutôt que même, tu sais, on parle souvent de banquer la monnaie avec de l'or, c'est bien beau, ça reste que l'or et l'argent, c'est des devises, c'est des valeurs refuges spéculatives, tandis que une monnaie citoyenne, qu'est-ce que ça fait? C'est simplement faire circuler l'économie locale, donc toute la production locale en biens et en services et en denrées, elle est renouvelable, donc une monnaie qui circulerait et qui serait échangeable contre la denrée locale au besoin. On n'a pas besoin de l'échanger, on a confiance, on se l'échange jusqu'à temps qu'on demande à pouvoir l'échanger contre des denrées locales. À mon avis, c'est ça la clé pour stopper l'hémorragie et le cul-de-sac qu'on a actuellement. Maintenant, la sensibilisation d'une élite politique, ça fait longtemps que j'y crois plus. Je n'y crois plus. Donc, même si on dit on va faire un coup d'éclat, il n'y en a pas de coup d'éclat. Les médias n'en parleront pas. Les médias sont là pour ne pas parler des éléments dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, même si votre coup d'éclat est très intéressant, ils n'en ont rien à foutre. Ça répond à votre question. C'est un piège où ceux qui devraient être au service du peuple, soit le journaliste profession, fait partie, dans le fond, de grandes corporations médiatiques dont l'objectif est une propagande visant à dire que vous êtes bien dans ce pays de paix sociale, mais où vous n'avez aucun pouvoir. Et vous êtes enchaînés, les amis. Continuez de vous divertir et de consommer, il n'y a aucune barrière, vous êtes libre et vous êtes en démocratie. Le jour que vous allez comprendre que vous n'êtes pas en démocratie, mais que vous êtes dans une dictature tranquille et effective, peut-être que vous allez réaliser qu'il va falloir créer des réunions comme celle-ci aujourd'hui, et il va falloir qu'on se mobilise et qu'on passe à l'action avec des en sortant du système. Donc nous, le Mouvement Intégrité Québec, on a des groupes de travail qui sont en train de se former pour créer, dans le fond, un processus de création monétaire citoyenne. Et le jour où on dit, voilà, on vous a pris par les couilles, il n'y a plus de monnaie physique en circulation, on contrôle les moyens de transaction que sont les terminaux, et on contrôle la dette monnaie. Alors, le jour où on est capable de sortir de ça, on va être capable de survivre. Parce que, en passant, peut-être que je vais un peu trop loin, mais un crash, c'est quoi? C'est simplement, vous avez des individus. Les individus, ça consomme, puis les entreprises, ça peut consommer tout le temps. Okay? Ça n'arrêtera jamais de consommer. Okay? Ça, c'est la première étape. Donc, les ressources sont là, les individus là, on veut consommer. Mais parce que la monnaie, dans une crise financière, fait en sorte que les banques tombent, okay? Il y a moins de monnaie en circulation, et là, on a besoin d'air. Et on n'a pas d'air, donc ça fait des méga-crashs. Mais si on a une alternative qui est une monnaie citoyenne, on continue de consommer. La preuve, il y a des modèles qui ont été testés pendant la Grande Dépression en Autriche. J'ai un dénommé François Chartier, qui est un érudit, qui n'arrête pas de m'envoyer des super cas pratiques. Et savez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30 en Autriche? Tout le monde s'est tourné vers le modèle autrichien. On dit, hey, c'est super intéressant, tout le monde crève de faim, mais vous, ça roule la patente. Alors, ça a monté en haut. On va essayer d'accélérer un petit peu, là, parce que sinon, ça va finir en avant. Ça a monté en haut et ils ont aboli la monnaie citoyenne locale qui avait été créée. Tout allait bien. C'est simplement pour revenir au système qui était voulu par les banquiers. Donc, je m'excuse, monsieur. Je suis passionné, là, mais voilà, c'est ça. On faut. Ah, je m'excuse. Alors, c'est une bonne question, mais non, je n'ai pas confiance à l'élite politique. Est-ce qu'il vous. Merci. Est-ce que je peux en faire une petite rapide, M. Non, bien, on va pas. Malheureusement, on m'indique que mon temps est écroulé. Hein, vous savez, on diffuse actuellement grâce à la technologie du cellulaire. Ça veut dire qu'on n'a plus de temps. Donc, nous retournons à la programmation normale de Radio Info Cité. Et nous, on se revoit en direct dimanche pour le trio d'enfer et pas forcément qu'on va vous jaser de l'expérience. Si vous avez des commentaires, des idées, n'hésitez pas. Écrivez-nous à studio@radioinfocité.com. Et c'est tout pour nous en provenance des grands rendez-vous au motel Robertval dans la région du Lac-Saint-Jean. Vous serez les bienvenus au motel Robertval. Visitez le site Internet pour obtenir plus d'informations. L'adresse motel-roberval.com ou appelez-les au 1-877-990-3000. 581-4336-9903. Je répète, motel-robertval.com ou 1-877-990-9903.